بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Comme vous le savez, le sujet de cette modeste assise d'aujourd'hui porte sur la discussion qui eut lieu entre le noble compagnon Ibn Abbas, qu'Allah l'agré ainsi que son père, et les Khawarij. Cette discussion ou ce débat, ce dialogue, cette rencontre, qui a été recueilli entre autres par Al-Hakim dans son Mustadrak, ainsi que par Al-Bayhaqi et qui a été cité, malgré sa relative longueur, par le noble Cheikh Mohammed Aman Al-Jami, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre intitulé Al-Aqidatu al-Islamiyya wa tarikhuha, la croyance islamique et son histoire. Livre très profitable, écrit par un grand savant de notre époque et traduit par notre noble frère Suleyman Al-Hayiti, qu'Allah l'en récompense et qu'il le préserve. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va lire ce passage-là, qui correspond à un chapitre parmi les nombreux chapitres contenus dans ce livre, et ensuite on essaie de s'arrêter avec certains passages afin d'en tirer les enseignements importants. Et on commence donc par lire, Naam, et ensuite on revient sur les différents points contenus. Ça te donne. Par contre, voilà, j'ai un petit doute. Il est possible que les photocopies que vous avez soient quelque peu différentes de ce qu'il y a dans le livre. Et on va voir ça, biiznillah, pendant la lecture. Oh là, vas-y, lis de la feuille, c'est bien. Lis de la feuille, pour éviter. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La discussion entre Ibn Abbas et les Khawarij, tirée de la croyance islamique et son histoire, du Cheikh Mohammed Aman Al-Jami, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le Cheikh Mohammed Aman, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: les savants de l'islam ont mentionné que lorsque les Khawarij ou Al-Haruriyya sont apparus, ils se sont réunis dans une de leurs maisons dans les alentours de la ville de Basra, dans un endroit appelé Al-Harura. Leur nombre était de 600 000, de 6 000 combattants. 6 000, déjà que c'était beaucoup, c'est plus 600 000. Non. Leur nombre était de 6 000 combattants. Ils se sont préparés à combattre Ali, qu'Allah soit satisfait de lui. C'est alors que Abdullah ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait d'eux, a demandé à Ali ibn Abi Talib la permission de partir à leur rencontre dans le but de dialoguer avec l'espoir qu'ils reviennent à la vérité. Ali dit à ibn Abbas: certes, je crains pour toi. Ibn Abbas lui dit: ne crains rien. Ibn Abbas relate ensuite: je suis donc parti à leur rencontre. Je suis arrivé alors qu'ils étaient réunis dans une de leurs maisons de Al-Harura. Je les ai salués, mais ils me répondirent: bienvenue à toi, ô Ibn Abbas. Quel est ce bel habit que tu portes? Je leur répondis: pourquoi me blâmez-vous? Certes, j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, portant les plus beaux vêtements. Et il récita la parole d'Allah: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَطَيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Dit: qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures. Surat Al-A'raf, verset 32. Ils dirent, qu'est-ce qui t'amène? Je leur dis, je viens de la part des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, des émigrés, muhajirin et des ansar, pour vous transmettre ce qu'ils disent. Les émigrés donc, les muhajirin, ce sont ceux qui ont émigré, de la Mecque jusqu'à Médine. Quant aux ansar, que l'on traduit parfois par les auxiliaires, ce sont justement les musulmans de Médine qui ont accueilli le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons qui avaient également émigré. Donc Ibn Abbas a dit, je viens de la part des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, des émigrés et des ansar, donc des auxiliaires, pour vous transmettre ce qu'ils disent. C'est en leur présence que le Coran fut révélé. Et ils connaissent mieux la révélation que vous. Le Coran fut révélé parmi eux, et aucun d'entre vous ne fait partie d'eux. Certains d'entre eux dirent, ne discutez pas avec Quraysh, car Allah dit à leur sujet, « Balhum qawmun khasimun ». Ce sont plutôt des gens disputeurs. Surat al-Zukhruf, verset 58. Ibn Abbas affirma, « Je n'avais jamais vu de gens faire autant d'efforts dans l'adoration. Leur visage portait les signes des gens qui veillent la nuit en prière. » Et leurs mains et leurs genoux indiquaient qu'ils priaient beaucoup. Certains d'entre eux dirent, nous allons lui parler, nous allons débattre avec lui. Je dis, dites-moi ce que vous reprochez aux neveux et gendres du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'aux muhajirin et aux ansar. Le neveu et gendre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ali ibn Abi Talib. Il était le neveu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que son gendre, du fait qu'il était l'époux de la fille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, qu'Allah l'agrée. Dites-moi ce que vous reprochez au neveu et gendre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il était l'émir des croyants au moment de cette rencontre, comme vous vous en êtes rendu compte plus haut. Ainsi qu'aux muhajirin, c'est-à-dire les émigrés, et aux ansar, c'est-à-dire les auxiliaires, comme nous l'avons vu précédemment. Ils répondirent, trois choses. Je demandais, quelles sont-elles? Ils dirent, premièrement, il a accepté le jugement des hommes dans ce qui est du ressort d'Allah, alors qu'Allah a dit, « Inni l'hukmu illa lillah » Le jugement n'appartient qu'à Allah. Surat al-An'am, verset 57. Qu'est-ce que les hommes ont à faire dans le jugement? Naam. Ici, une petite précision, et Allah est plus savant. Les Khawarij ont cité comme premier point, comme premier reproche qu'ils adressaient à Ali ibn Abi Talib, le fait que il aurait, selon eux, hakkamar dijal. Ce que pour ma part je traduirais plutôt par il a délégué le jugement aux hommes dans ce qui est du ressort d'Allah, plutôt qu'il a accepté le jugement des hommes. C'est un détail, c'est une proposition de traduction. Si vous voulez la mettre entre parenthèses, je vous invite à le faire. Et Allah tabaraka wa ta'ala est plus savant. Naam. Je dis, voilà une première chose. Ils ajoutèrent, la deuxième chose que nous lui reprochons, c'est d'avoir combattu sans faire d'esclaves et sans s'emparer d'un butin de guerre. Or, si ceux qu'il combat sont des mécréants, kuffar, il est permis d'en faire des esclaves et de s'emparer de leurs biens. Mais si ce sont des croyants, il n'est pas permis de les combattre. Je dis, voilà le deuxième point. Et quel est le troisième? Ils dirent, il n'a pas pris le titre d'Emir al-Mu'minin, prince des croyants. C'est donc qu'il est le prince des mécréants. Je demandai, avez-vous d'autres points à part cela? Ils répondirent, cela est suffisant pour nous. Je leur dis, que diriez-vous si je vous citais du Coran et de la Sunna, ce qui réfute vos points? Êtes-vous d'accord? Ils dirent oui. Je leur dis, concernant votre premier point. Non, ici ça serait plutôt concernant. Concernant votre premier point. Concernant votre premier point. Avoir accepté le jugement des hommes dans ce qui est du ressort d'Allah, je vais vous indiquer ce qu'Allah a laissé les hommes, ce qu'Allah a laissé les hommes juger. Naam, c'est-à-dire ce dans quoi Allah a laissé les hommes juger, ou ce au sujet de quoi Allah a laissé les hommes juger, ou ce au sujet de quoi Allah a délégué le jugement aux hommes. Naam. Le fait, par exemple, de fixer à un quart de dirham le prix du lapin ou du petit gibier de ce genre lors de la chasse. Allah le Très-Haut dit: Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu sayda wa antum hurumun wa antum hurum. Naam. Wa antum hurumun wa antum hurumu wa man qatalahu minkum matta. C'est écrit tout petit. Mutaammidan fajaza'u مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. Oh les croyants, ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'ihram. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors soit par quelques bêtes de troupeau, semblables à ce qu'il a tué, d'après le jugement de deux personnes intègres parmi vous. Naam. Vous êtes en état d'ihram, c'est-à-dire vous êtes en état de sacralisation, comme vous l'aviez certainement compris. Puis il dit, et vous savez que si Allah l'avait voulu, il aurait jugé lui-même, et il n'aurait pas laissé cela aux hommes. De même pour l'homme et son épouse, Allah dit, « Wa in khiftum shiqaqa baynihima » فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِي وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَإِنْ يُرِيدَ نعم وَإِنْ يُرِيدَ إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah a donc fait du jugement des hommes une sunna préservée. Ai-je répondu à ce point ? Ils dirent oui. Il dit : en ce qui concerne votre deuxième point, qu'il a combattu sans faire d'esclaves ni prendre de butin, auriez-vous pu faire de votre mère Aïcha une esclave avec laquelle vous vous seriez permis ce qui est permis avec d'autres ? Si vous dites oui, vous avez rejeté la foi, car elle est votre mère. Et si vous dites qu'elle n'est pas votre mère, vous avez également rejeté la foi, car Allah dit « Wa azwajuhu ummahatuhum » Ces épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont leurs mères. Vous avez donc le choix entre deux égarements. Quel que soit votre choix, vous choisissez l'égarement. Ils se regardèrent alors les uns les autres. Je dis « Ai-je répondu à ce point ?» Ils dirent oui. Il poursuivit, en ce qui concerne le troisième point, qu'il aurait renoncé au titre d'Emir al-Mu'minin. Je vous donne en exemple celui que vous agréez. Vous avez entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au chef des croyants, « Ô Ali, écris ceci. Voici les clauses de la trêve acceptées par le messager d'Allah. » Les polythéistes, mushrikoun, répliquèrent, « Par Allah, nous ne reconnaissons pas que tu es le messager d'Allah, sinon nous ne t'aurions pas combattu. » Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Oh Allah, tu sais que je suis le messager d'Allah ?» Ali écrit ceci. « Voici les clauses de la trêve acceptées par Muhammad ibn Abdillah. Par Allah, le messager d'Allah est meilleur que Ali, et il n'a pas cessé d'être prophète pour avoir effacé messager d'Allah. » Ibn Abbas affirma « 2000 d'entre eux sont revenus de leur égarement. » Les autres furent tués en égarés. L'imam al-Hakim a dit « Ce hadith est conforme aux conditions de muslim » et il ne l'a pas rapporté. Malgré cela, beaucoup de gens ont répondu à l'appel des Khawarij. Non, donc ça, à partir de là, c'est les propos du cheikh, l'auteur Mohammed Aman al-Jami, à partir du moment où l'imam al-Hakim est cité. Malgré cela, beaucoup de gens ont répondu à l'appel des Khawarij. Et un groupe des imams de l'islam ont également été accusés d'appartenir au groupe de Khawarij. Et plus d'un des rapporteurs de hadith ont été comptés parmi eux. Les spécialistes de ce domaine le savent très bien. C'est malheureusement la conséquence d'une mauvaise compréhension, de la précipitation à prendre une décision et du manque de sagesse. Les Khawarij croyaient être dans la vérité lorsqu'ils prirent les armes contre l'émir des croyants, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Et ils se sont complètement coupés des muhajirines et des ansar, ceux qui pourtant parlaient selon le Coran et dont le Coran parlait, ceux qui ont élevé le Coran et qui furent élevés par le Coran, ceux qui sont les meilleurs de cette umma. C'est-à-dire cette communauté, la umma c'est la communauté. Jusqu'à ce que l'érudit de la umma, l'exégète du Coran, turjuman al-Qur'an, c'est-à-dire Ibn Abbas qui était surnommé turjuman al-Qur'an, l'interprète du Coran, l'exégète du Coran. Jusqu'à ce qu'il discute avec eux et leur démontre leurs erreurs par des preuves venant du Coran et de la Sunna. Un nombre non négligeable d'entre eux se sont repentis grâce à lui, 2000 sur 6000 combattants qui se préparaient à se lancer dans la bataille. Mais Allah les a sauvés, car Allah les a guidés vers la repentance, et ils se sont repentis. Le reste d'entre eux ont péri. Ils se sont repentis, un nombre non négligeable d'entre eux se sont s'est repenti plutôt, un nombre non négligeable d'entre eux s'est repenti par son biais, on dira plutôt. Non. Grâce à Allah et par son biais. Hein? Grâce à Allah plutôt, puis par son biais. Grâce à Allah, puis par son biais. Je pense que c'est plus prudent de dire cela ainsi. Wallahu a'lam, Allah est plus savant. Un nombre non négligeable d'entre eux se sont repentis par son biais. Naam. C'est repenti, naam, excusez-moi. Un nombre non négligeable d'entre eux s'est repenti par son biais, naam. Puisque ici, on doit accorder à un nombre qui est au singulier et non pas à eux, qui serait au pluriel. Un nombre non négligeable d'entre eux s'est repenti par son biais. 2000 sur 6000 combattants qui se préparaient à se lancer dans la bataille. Mais Allah les a sauvés, car Allah les a guidés vers la repentance et ils se sont repentis. Le reste d'entre eux ont péri. Après qu'eurent été établies contre eux les preuves claires présentées par Ibn Abbas. Celui-ci les a conseillés sincèrement, leur a montré le droit chemin et les a appelés à la vérité de la manière que nous avons expliquée plus haut. Naam. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont suivi sur le livre? Personne n'a suivi à partir du livre? Allez. Sinon on aurait vu s'il y avait des différences ou pas. Donc ce que vous venez d'entendre, c'est cette fameuse discussion qui eut lieu entre Ibn Abbas et les Khawarij. Le Cheikh Mohamed Aman a introduit la mention qu'il a faite de ce long récit en présentant brièvement l'histoire de l'apparition d'Al-Haruriya. Al-Haruriya, c'est un nom qui fut donné aux Khawarij du fait que la première fois qu'ils se sont réunis, c'était dans un endroit appelé Al-Haroura, aux alentours de la ville d'Al-Basra. Bassora, comme on dit actuellement. Et vous retrouvez, à titre d'exemple, cette appellation dans le récit qui est rapporté de Aïcha, radiyallahu anha, lorsque Mu'adha l'a questionné en lui disant: comment se fait-il que la femme qui est indisposée doive rattraper ses jours de jeûne non jeûné et ne doive pas rattraper les prières qu'elle n'a pas accomplies? Aïcha, radiallahu anha, lui a répondu en lui disant: serais-tu une haruriya? Mu'adha, radiallahu anha, rahimahallah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a alors dit: je ne suis pas une haruriya, mais je veux juste savoir. Aïcha, radiallahu anha, lui a alors répondu: cela nous arrivait à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Et il nous était ordonné de rattraper les jours de jeûne non jeûné, et il ne nous était pas ordonné de rattraper nos prières. Aïcha radiallahu anha a réagi de la sorte, car Al-Haruriya s'était entre autres distingué par le fait qu'ils obligeaient leurs femmes de rattraper les prières qu'elles n'avaient pas accomplies durant leur période de menstrues. Et c'est donc en se basant sur cela que Aïcha a posé cette question. Donc Al-Haruriya, ils sont apparus à l'époque des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de ce dernier, alayhi salatu wa salam, et après celle de Abu Bakr et de Omar, qu'Allah les agrée, et ils ont participé à l'assassinat de Uthman, le troisième des califes de l'islam. Et la première fois qu'ils se sont réunis, formant ainsi un réel groupe, c'était à l'époque du quatrième calife de l'islam, Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, comme cela est relaté ici. Donc cette innovation-là est apparue au sein de cette communauté à l'époque des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi le premier groupe innovateur qui est apparu au sein de cette communauté. Et ce, comme je l'ai précédemment dit, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du temps du prophète alayhi salatu wa sallam, aucun groupe innovateur n'était apparu. Par contre, les prémices de cette innovation-là étaient apparues de son vivant. Les prémices, c'est-à-dire les signes précurseurs, comme on s'en rend compte dans le récit authentique, dans lequel est relaté le fait qu'un personnage appelé Dhul Khuwaysira al-Tamimi s'est adressé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce dernier alayhi salatu wa sallam était en train de partager un butin. Dhul Khuwaysira al-Tamimi a alors dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: ô Muhammad, sois juste, car tu n'as pas été juste. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a alors répondu: et qui donc va être juste si moi je ne le suis pas? Allah me ferait-il confiance concernant les habitants de la terre? Et vous, vous ne me faites pas confiance? C'est alors qu'un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est avancé en lui demandant l'autorisation d'exécuter cet audacieux personnage. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui interdit cela. Et dans certaines versions de ce hadith, nous trouvons la raison qui a motivé cette décision prophétique. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam craignait que cela ait comme répercussion mauvaise que les gens disent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tuait ses compagnons. Car d'un regard extérieur, Dhul Khuwaysira était considéré comme un compagnon. Donc cela aurait pu avoir cet impact nuisible. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ce compagnon d'exécuter Dhul-Khuwaysira. Après lui avoir interdit, il lui a dit donc, laisse-le, car va apparaître au sein de ceux qui vont venir après ce personnage, des gens, vous allez mépriser votre prière face à la leur, et votre jeûne face au leur. Ils lisent le Coran sans que ce dernier ne dépasse leur gorge. Dans le sens où ils ne le comprennent pas. Ils le lisent et le récitent, mais ils ne le comprennent pas. Il a dit, ils lisent, récitent le Coran sans que ce dernier ne dépasse leur gorge. Et ils sortent de la religion comme la flèche sort du gibier. Et dans une variante de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté pour ne plus jamais y retourner par la suite. Pour ne plus jamais y retourner par la suite. Donc, les prémices de cette innovation-là était apparue du temps du prophète alayhi salatu wassalam. Par contre, cette innovation n'était pas apparue, mais uniquement les prémices. Et le prophète alayhi salatu wassalam, qui est le véridique, digne de louange, digne de confiance, et qui ne se prononçait pas sous l'emprise de la passion. C'était plutôt uniquement une révélation qui lui était faite. Il avait annoncé l'apparition des Khawarij. En effet, lorsque certains compagnons furent questionnés à propos du hadith dans lequel nous trouvons le récit de Dhul-Khuwaysira, afin de déterminer qui donc était visé par cette annonce et cette mise en garde du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont dit que c'était les Khawarij. C'est donc la première innovation qui est apparue au sein de cette communauté. Cela nous amène à définir ce qu'est l'innovation dans la religion, al-bid'a. Al-bid'a, de manière résumée, c'est le fait d'instaurer dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Si on veut un peu plus détailler, il faut savoir que l'imam Shatibi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a défini l'innovation dans son livre Al-I'tisam en disant que c'est une voie empruntée en matière de religion qui est inventée et qui vient concurrencer la voie religieuse par laquelle celui qui l'emprunte cherche à se rapprocher d'Allah. C'est une voie qui est empruntée en matière de religion et qui est inventée, qui vient concurrencer la voie religieuse et par laquelle celui qui l'emprunte cherche à se rapprocher d'Allah. Ici donc, le Cheikh a dit, leur nombre était de 6000 combattants. Et on retrouve dans ce chiffre-là le fait que ceux qui en vinrent à suivre les Khawarij étaient nombreux. Car il faut savoir que les ambiguïtés sont attirantes. Alors que les cœurs sont faibles, Et cela également nous amène à un enseignement important, à savoir que le grand nombre d'adeptes, le grand nombre d'adhérents, le grand nombre de suiveurs n'est pas un gage de guider. Ce n'est pas un gage de guider. Puis, le cheikh a dit, ils se sont préparés à combattre Ali. Ali, le neveu et gendre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le premier jeune à s'être converti à l'islam, l'émir des croyants, le quatrième calife du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fut promis, entre autres, au paradis, par la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui à propos de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, demain je vais donner l'étendard à un homme qu'Allah et son messager aiment et qui aime Allah et son messager. Al-Haruriya, les Khawarij se sont préparés à le combattre. Cela te montre que l'égarement, il mène à l'extrémisme. Et ils ne se sont pas contentés juste d'être en désaccord sur certains points avec Ali ibn Abi Talib. Mais ces désaccords-là, qui étaient dus à leur égarement, les amenaient à cet extrémisme-là, à tel point qu'ils se sont préparés à combattre Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agré. Puis, le cheikh a dit, c'est alors que Abdullah ibn Abbas, le cousin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à Ali ibn Abi Talib la permission de partir à leur rencontre dans le but de dialoguer. On retrouve ici le fait de demander la permission à l'émir, avec l'espoir qu'il revienne à la vérité. Tu retrouves dans cela la légitimité du dialogue. Ou si tu veux, tu peux dire le débat ou la discussion en matière de religion, mais sous certaines conditions. La base dans cette question-là étant l'interdiction. Et nous avions eu l'occasion ensemble, lorsque nous avions lu et traduit ensemble Al-Mu'taqad al-Sahih du Cheikh Abdessalam ibn Barjas, croyance authentique, d'aborder le chapitre qui est relatif à l'interdiction du débat en religion. La base dans le domaine, c'est l'interdiction. Mais cela est permis et légitime sous certaines conditions. Et nous avions vu que ces conditions-là sont, premièrement, le fait que la vérité soit mise en évidence et qu'elle soit exposée. Deuxièmement, le fait que cette discussion ou ce débat ou ce dialogue soit mené avec savoir, avec science, avec connaissance religieuse. Ici, ce n'est pas n'importe qui s'est proposé, mais c'est Ibn Abbas, le docte de cette communauté, cet océan de savoir, l'interprète du Coran, celui en faveur de qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah en lui disant, « Oh Allah, instruis-le en matière de religion. La troisième des conditions que l'on aurait pu mentionner en premier, c'est la bonne intention. Tu te dois de faire cela avec sincérité vis-à-vis d'Allah, Azza wa Jal, en recherchant donc son agrément et sa récompense dans l'au-delà. Et quatrième condition, le respect des règles de bienséance. Et on va pouvoir avoir un aperçu de ces règles de bienséance à travers ce récit que l'on a déjà entendu et que l'on va essayer d'analyser ensemble, bi-ithnillah. Et tu retrouves également dans cela la loyauté des ulama, ainsi que leur compassion. Car Ibn Abbas, il s'est proposé d'aller dialoguer avec eux, avec l'espoir qu'ils reviennent à la vérité. Ali a dit à Ibn Abbas, certes je crains pour toi. Tu retrouves ici également la compassion de l'émir pour les administrer. Ibn Abbas lui dit, ne crains rien. Et dans cette parole, pleine de résolution, tu peux retenir le courage d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qu'Allah l'a grain ainsi que son père. Dis-toi qu'il s'est présenté, na'am, sans crainte, en plaçant sa confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, à 6000 personnes qui s'apprêtaient à combattre l'émir des croyants, Ali ibn Abi Talib, et comme on va le voir, il s'est présenté à des gens qui ne le considéraient pas comme musulman, et qui donc, à partir de là, pouvaient être amenés à rendre licite son sang, et ainsi chercher à l'exécuter. Malgré tout, il a dit « ne crains rien ». Puis Ibn Abbas relate, je suis donc parti à leur rencontre, je suis arrivé alors qu'ils étaient réunis dans une de leurs maisons d'Al-Haroura. Je les ai salués, mais ils me répondirent, bienvenue à toi, ô Ibn Abbas. Quel est ce bel habit que tu portes? Je leur répondis, pourquoi me blâmez-vous? Certes, j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, portant les plus beaux vêtements. Et il récita la parole d'Allah. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Dit, qui a interdit les parures d'Allah qu'il a produites pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures? Ainsi que les bonnes nourritures. Tu retrouves ici, et tu peux retenir comme enseignement, Na'am, l'audace et l'effronterie de ces Khawarij. Ibn Abbas leur a adressé salutation de l'islam, et ils lui ont répondu, bienvenue à toi. Dans le sens où ils ne lui ont pas accordé le droit de l'islam. Ce qui signifie qu'ils ne le considéraient pas comme musulman. Sinon, ils lui auraient répondu. Wa alayka salam, au minimum. Mais ils lui ont dit, bienvenue à toi, ô Ibn Abbas. Et tu retrouves dans cette effronterie et dans cette audace une des caractéristiques des Khawarij les plus particulières, à savoir le fait de reprocher ce qui n'est pas reprochable. Ils se sont empressés de dire quel est Na'am, ce bel habit que tu portes. Il faut savoir qu'Ibn Abbas radiallahu anhuma était très intelligent et il avait fait exprès de porter un bel habit. Car il se doutait que les Khawarij allaient lui reprocher cela. Et il avait donc préparé la réponse, tirée du Coran et de la Sunna, afin de leur montrer leur incompréhension. Donc ils lui ont dit, quel est ce bel habit que tu portes? Il leur a dit, pourquoi me blâmez-vous? Certes, j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, portant les plus beaux vêtements. Et il récita la parole d'Allah, قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Dit qui a interdit les parures d'Allah qu'il a produites pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures. Tu retrouves ici un principe très important dans le domaine de la réplique aux partisans de l'innovation, aux partisans du faux. Le fait que tu dois répondre au faux par la vérité. Tu réponds au faux par la vérité et tu ne réponds pas au faux par le faux. Tu réponds à l'innovation par la sunna, mais tu ne réponds pas à l'innovation par l'innovation. Tu réponds à l'erreur par la justesse, mais tu ne réponds pas à l'erreur par l'erreur. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a répondu à ce reproche-là en se basant sur le Coran et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, bien sûr, ils n'ont pas prêté cas de cette chose-là. Ils ne se sont pas remis en question. Ils se sont empressés de reprocher, ou plutôt de s'adresser à Ibn Abbas, sans saluer le fait qu'il leur ait exposé la vérité. Ils ont dit, qu'est-ce qui t'amène ? Je leur dis, je viens de la part des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, des émigrés et des auxiliaires, pour vous transmettre ce qu'ils disent. C'est à leur présence que le Coran fut révélé. Et ils connaissent mieux la révélation que vous. Le Coran fut révélé parmi eux, et aucun d'entre vous ne fait partie d'eux. Tu retrouves dans ce début de discours d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, la place qu'occupent les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la religion. Tu retrouves également le fait que les Khawarij se sont isolés d'eux. En effet, Ibn Abbas a dit « Et aucun d'entre vous ne fait partie d'eux. » Dans le sens, parmi vous, vous les Khawarij, les Haruriya, il n'y a aucun compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Auquel cas, si il y en avait eu un, on aurait pu dire que vous avez une ambiguïté, qu'il faut clarifier, éclaircir, rectifier. Mais là, il n'y en a aucun parmi eux qui soit avec vous. Et Ibn Abbas, radiallahu anhuma, s'est suffi de ce fait-là pour statuer de leur égarement. Pour statuer de leur égarement. Donc cela te ramène à quoi ? Au fait que parmi les causes principales du salut, il y a, en plus du fait d'être fidèle à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'être fidèle aux ambassadeurs de la sunna, les ulama de la sunna, qui, à cette époque-là, étaient donc les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque époque, il est demandé aux musulmans d'être fidèles aux ulama de la sunna. Certains d'entre eux dirent, ne discutez pas avec Quraysh, car Allah a dit à leur sujet, « Balhum qawmun khasimun ». Ce sont plutôt des gens disputeurs. Ici, tu retrouves que parmi les ruses des partisans de l'innovation, il y a le fait de chercher à écarter la masse des musulmans, des ulama de la sunna. Ici, il a accusé Ibn Abbas de faire partie des gens disputeurs. En se basant sur ce verset de sourate Zukhruf, qui, bien sûr, n'a pas été utilisé à bon escient. Et tu retrouves cela par la suite, à toute époque. Parmi les Mu'tazila, il y en avait qui décrivaient les ulama de la Sunna comme étant les ulama qui sont spécialisés dans ce qu'il y a sous les jupes des femmes. Il visait par là, bien sûr, les règles et les lochis. À notre époque, il y en a qui carrément ont dit que les ulama de la Sunna, ce sont les ulama des règles et des lochis, en visant par là le fait qu'ils expliquent aux musulmans les règles religieuses qui sont relatives à ces questions-là. Et l'imam Shatibi, rahimahullah, il a formellement dit dans son livre Al-I'tisam que parmi les méthodes des partisans de l'innovation, il y a le fait de chercher à enlaidir les fatwas des ulama aux oreilles du commun des musulmans. Ibn Abbas affirma, je n'avais jamais vu de gens faire autant d'efforts dans l'adoration. Leur visage portait les signes des gens qui veillent la nuit en prière, et leurs mains et leurs genoux indiquaient qu'ils priaient beaucoup. Tu retrouves dans cela ce qui avait été annoncé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Dhul-Khuwaysira. Vous vous rappelez que après avoir interdit à ce compagnon qui s'était avancé afin d'exécuter Dhul-Khuwaysira, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, laisse-le, car après ce personnage-là, Naam, vont apparaître des gens, vous allez mépriser votre prière face à la leur, votre manière de jeûner face à la leur. Et ils lisent et récitent le Coran sans que ce dernier ne dépasse leur gorge. Il faut savoir ici qu'il s'adressait aux compagnons à ses compagnons, qu'Allah les agrée, qui étaient connus pour les grands efforts qu'ils fournissaient en matière d'adoration. Ibn Abbas fut même surpris. Il a dit, j'ai jamais vu de gens faire autant d'efforts dans l'adoration. Leur visage portait les signes des gens qui veillaient la nuit en prière, et leurs mains et leurs genoux indiquaient qu'ils priaient beaucoup. Et il a été rapporté d'un de nos pieux prédécesseurs, et il se peut que ce soit l'imam Al-Awza'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il a dit, il m'est parvenu que lorsqu'un individu innove dans la religion, le diable embellit à ses yeux l'adoration et la dévotion afin que par ce biais, il puisse attirer d'autres personnes. Car les gens, ils vont le voir fournissant de nombreux efforts dans l'adoration. Et ils vont dire, cette personne-là, c'est un dévot, c'est un adorateur. Il ne peut être que sur le droit chemin. Et à partir de là, ils vont le suivre. Et si le prophète, alayhi salatu wassalam, a annoncé cela en disant, vous allez mépriser votre prière face à la leur, votre manière de jeûner face à la leur, ils lisent et récitent le Coran sans que ce dernier ne dépasse leur gorge, na'am, c'était dans le sens d'une mise en garde, en disant que cela ne vous induise pas en erreur, car ce sont des égarés. Ils sortent de la religion, comme la flèche sort du gibier, et comme je vous l'ai dit précédemment, dans une version, pour ne plus jamais y revenir, par la suite. Certains d'entre eux dirent, nous allons lui parler et nous allons débattre avec lui. Je dis, dites-moi ce que vous reprochez aux neveux et gendres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'aux émigrés et aux auxiliaires. Ils répondirent trois choses. Je demandais, quelles sont-elles? Tu retrouves ici une règle de bienséance parmi les règles de bienséance à observer durant la discussion, le dialogue, le débat, à savoir le fait de poser le débat en déterminant les points de divergence. Il dit, premièrement, il a accepté le jugement des hommes dans ce qui est du ressort d'Allah, ou il a délégué le jugement aux hommes dans ce qui est du ressort d'Allah. Alors qu'Allah a dit, inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Et ils ont continué en disant, qu'est-ce que les hommes ont à faire dans le jugement? Je dis, voilà une première chose. Tu retrouves dans, comme on va s'en rendre compte par la suite, voilà ça, on le verra plus tard, bismillah. Ils ajoutèrent, la deuxième chose que nous le reprochons, c'est d'avoir combattu sans faire d'esclaves et sans s'emparer d'un butin de guerre. Or, si ceux qu'ils combattent sont des mécréants, il est permis d'en faire des esclaves et de s'emparer de leurs biens. Mais si ce sont des croyants, il n'est pas permis de les combattre. Est-ce que vous avez compris leur ambiguïté ici? Leur ambiguïté qu'ils ont eue ici? Non. Les Khawarij ici, ils ont visé une bataille qu'il y a eu entre musulmans. Et dans cette bataille, Ali n'a pas fait d'esclave et ne s'est pas emparé de butin de guerre. Et eux, ils ont dit, si ceux qu'ils ont combattus étaient des mécréants, alors, dans le sens, pourquoi n'a-t-il pas fait d'esclave et ne s'est pas emparé de leurs biens? Et il a dit, et ils ont dit, si par contre c'était des croyants, alors pourquoi les a-t-il combattus? Car selon eux, donc, ils n'étaient pas permis pour eux de le faire, pour lui de le faire. Ibn Abbas de dire, je dis, voilà le deuxième point. Et quel est le troisième? Il dit, il n'a pas pris le titre d'émir des croyants. C'est donc qu'il est l'émir des mécréants. Regardez ici. Subhanallah, c'est l'incompréhension qu'ils avaient, cette vision réduite et réductrice des choses. Je demandais, avez-vous d'autres points à part cela? Ils répondirent, cela est suffisant pour nous. Je leur dis, que diriez-vous si je vous citais du Coran et de la Sunna ce qui réfute vos points? Êtes-vous d'accord? Ils dirent oui. Ils dirent oui. Ici, on peut se rendre compte que parmi les méthodes des partisans de l'innovation, il y a le fait de mettre l'accent sur les sujets prêtant à différentes interprétations. Allah tabaraka wa ta'ala a dit à ce sujet, au début de la sourate Al-Imran, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Il est celui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui constituent la base fondamentale du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à diverses interprétations. Quant à ceux qui ont dans le cœur un penchant vers la déviance, ils mettent l'accent sur ce qui peut prêter à diverses interprétations en recherchant par là la dissension et en recherchant par là à leur donner une mauvaise interprétation. Or, seul Allah et ceux qui sont ancrés dans la science en connaissent la véritable signification. Ces derniers disent, nous y apportons foi, car tout cela vient de notre Seigneur, et seuls ceux qui sont doués d'intelligence se rappellent en réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita un jour ce verset à son épouse Aïcha radiallahu anha, comme cela est rapporté, recueilli par l'imam muslim dans son recueil authentique. Puis il lui a dit, lorsque vous verrez ceux qui mettent l'accent sur ces versets qui peuvent prêter à différentes interprétations, alors sachez que ce sont ceux-là qu'Allah a nommés, méfiez-vous donc d'eux. Et tu retrouves ici cette manière d'agir chez les Khawarij. Ils se sont basés donc sur quelque chose qui peut prêter à différentes interprétations. On va s'arrêter un peu avec ce sujet-là. Il faut savoir que le Coran en soi, il est sans équivoque. Le Coran, dans son intégralité, il est en soi sans équivoque. Par contre, nous disons, conformément à ce que Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le verset que vous venez d'entendre, qu'il y a des versets qui peuvent prêter à différentes interprétations. Non pas que le Coran en lui-même ne soit pas sans équivoque, mais du fait de l'approche de celui qui va le lire. Donc en soi, le Coran, il est sans équivoque. Mais, pour celui qui se propose à le lire et à le consulter, du fait de son manque de savoir et de connaissances, il est possible que certains versets puissent prêter à différentes interprétations. Et ceux qui sont ancrés dans la science, ils ont comme position par rapport à cela de renvoyer ce qui peut prêter à différentes interprétations à ceux qui est sans équivoque. Quant à ceux qui ont dans le cœur un penchant vers la déviance, eh bien ils mettent l'accent sur ce qui peut prêter à différentes interprétations en recherchant par là la dissension et en recherchant par là la mauvaise explication. Et c'est le cas ici des Khawarij. Ils ont eu un regard de borgne sur les textes et ils se sont arrêtés sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Et ils ont occulté, ils ont mis de côté les autres textes, notamment ceux qui ont été mentionné et cité par Ibn Abbas dans la réfutation qu'il leur adressa, qu'Allah l'agré. Tu retrouves donc ici la différence de démarche entre Ibn Abbas et les Khawarij. Ibn Abbas qui s'est comporté tel un personnage ancré dans la science, doué d'intelligence. Et les Khawarij, qui, du fait de ce penchant vers la déviance qu'ils avaient dans le cœur, ils ont porté ce regard de borgne sur cette question-là. Et ce fut également le cas dans le restant des reproches qu'ils adressèrent à Ali ibn Abi Talib. Ibn Abbas de dire, je leur dis, concernant votre premier point, à savoir le fait d'avoir accepté ou d'avoir délégué le jugement des hommes ou aux hommes, dans ce qui est du ressort d'Allah, je veux vous indiquer ce qu'Allah a laissé, ou ce à propos de quoi Allah a délégué le jugement aux hommes. Le fait par exemple de fixer à un quart de dirham le prix du lapin ou du petit gibier de ce genre lors de la chasse. Puis il a cité donc ce verset, savoir le verset numéro 95 de Sourate Al-Ma'ida, la table servie. Puis il a également cité comme preuve le verset numéro 35 de Sourate An-Nisa, les femmes. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala a délégué le jugement à des hommes. Ibn Abbas a dit, après avoir mentionné ces deux versets, Allah a donc fait du jugement des hommes une sunna préservée. Ai-je répondu à ce point? Ils répondirent oui. Puis également, le second reproche. Ibn Abbas a dit, en ce qui concerne votre deuxième point, qu'il a combattu sans faire d'esclave ni prendre de butin. Auriez-vous pu faire de votre mère Aïcha une esclave avec laquelle vous vous seriez permis ce qui est permis avec d'autres? Car il faut savoir que dans le camp adverse, il y avait entre autres Aïcha radiallahu anha. Ce qui explique le fait qu'il ait agi de la sorte. Ibn Abbas les a alors mis face au fait accompli. En leur disant, dans le sens de deux choses l'une. Soit vous dites oui, et alors vous avez rejeté la foi, vous avez mécru, car vous avez rendu permis concernant votre mère Aïcha, ce qui vous est formellement interdit, car elle est votre mère. Et si vous dites qu'elle n'est pas votre mère, vous avez également rejeté la foi, car Allah a dit « Wa azwajuhu ummahatuhum » en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses épouses. Il a dit « Et ses épouses sont leurs mères, c'est-à-dire les mères des croyants. » Le titre des épouses du prophète alayhi salatu wassalam est qu'elles sont les mères des croyants. Vous avez donc le choix entre deux égarements. Quel que soit votre choix, vous choisirez l'égarement. Donc il leur a répondu par ici ce fait affirmé par le livre d'Allah, Tabaraka wa ta'ala. Ils se regardèrent alors les uns les autres. Je dis, ai-je répondu à ce point? Ils dirent oui. Il poursuivit en ce qui concerne le troisième point, qu'il aurait renoncé au titre d'émir al-mu'minin, l'émir des croyants. Je vous donne un exemple, celui que vous agréez. C'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez entendu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit au chef des croyants, c'est-à-dire à Ali, Ibn Abi Talib, « Oh Ali, écris ceci, voici les clauses de la trêve acceptées par le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam. » Les polythéistes répliquèrent, étant donné que ce pacte, cette trêve, acceptée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle fut contractée entre lui et les polythéistes. Les polythéistes, ils répliquèrent par Allah, nous ne reconnaissons pas que tu es le messager d'Allah, sinon nous ne t'aurions pas combattu. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Allah, tu sais que je suis le messager d'Allah, Ali, écris ceci, voici les clauses de la trêve acceptées par Mohammed ibn Abdullah. Ibn Abbas continue en disant par Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que Ali et il n'a pas cessé d'être prophète pour avoir effacé le messager d'Allah. Donc il aura à nouveau répliqué à partir d'un argument tiré de la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas affirma, 2000 d'entre eux sont revenus de leur égarement, les autres furent tués en égarés. On retrouve donc ici, comme j'ai pu vous le dire précédemment, que les Khawarij, ils considèrent les textes avec un regard de borgne. Alors qu'il convient de réunir les textes relatifs à un sujet pour bien le comprendre. Si tu veux bien comprendre un sujet en matière de religion, il faut que tu réunisses les textes qui le concernent. Chose qui, par grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, est assurée par les ulama de la sunna. Nous avons vu précédemment que parmi les caractéristiques des Khawarij, il y a le fait de reprocher ce qui n'est pas reprochable. Il y a également donc le fait de considérer comme péché ce qui n'en est pas. Et les trois reproches qu'ils ont faits à Ali, comme vous l'avez vu, n'étaient pas à leur place. Et ils ont considéré comme des péchés ce qui n'en était pas. Et à partir de là, de cette introduction erronée et fausse, ils sont tombés dans ce qui est plus grave. Du fait qu'ils ont statué de la mécréance, de l'émir des croyants, qu'Allah l'agrée, à cause du fait que selon eux, il aurait transgressé dans tel et tel sujet et commis tel ou tel péché. alors que ces péchés-là n'en étaient pas. Et à partir de là, ils en sont arrivés au point de se réunir pour le combattre. Et cela t'amène, à partir de ce que nous avons vu, à mentionner les grandes lignes de la voie des Khawarij. Depuis les débuts jusqu'à notre époque. Le fait qu'ils s'isolent des ulama de la sunna. Et le fait qu'ils cherchent à écarter la masse des musulmans des ulama de la sunna. Le fait qu'ils considèrent comme répréhensible ce qui ne l'est pas. Et le fait qu'à partir de là, ils en arrivent à statuer de la mécréance de musulmans sans droit. Et le fait qu'à partir de cela, ils en arrivent à considérer licite le sang des musulmans. Parmi eux, il y en a qui ont dit à Ali ibn Abi Talib qu'il n'acceptait de discuter avec lui qu'à partir du moment qu'il renouvelait son islam. Ce qui signifie qu'ils l'ont considéré au préalable comme étant mécréant. Et l'histoire se répète. Et si on lit ce genre de récit, c'est pour que l'on se rende compte que les Khawarij de notre époque, ils ne font qu'hériter de la voix des premiers Khawarij. Et nous pouvons même dire que les Khawarij contemporains sont pires que les premiers. Et ce, pour plusieurs raisons. Prends par exemple Daesh. La première des conditions pour faire partie de ce groupe, si auparavant l'individu faisait partie d'un groupe opposé, c'est de reconnaître dans un premier temps qu'il est un apostat, pour ensuite renouveler son islam et faire partie des leurs. Donc, les égarements des Khawarij, c'est un enchevêtrement d'incompréhension, de sottise, de bêtise, de stupidité et d'égarement, de déviance, d'innovation. Également, tu peux te rendre compte, barakallahu fik, à partir du premier reproche qu'ils ont fait, et ce n'est pas anodin si c'est là le premier reproche, de leur insistance sur le sujet du jugement. Ils ont accusé Ali, radiallahu anhu, d'avoir jugé avec autre que ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé, en disant qu'il aurait délégué le jugement aux hommes, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, le jugement n'appartient qu'à Allah. Et eux, ils ont continué en disant, qu'est-ce que les hommes ont à faire dans le jugement? Et à notre époque, les Khawarij, et à leur tête, c'est Qutb, qu'Allah lui accorde ce qu'il mérite, ils insistent également sur cela. À tel point qu'ils en arrivent à dire que le sens le plus particulier contenu dans l'attestation de foi « La ilaha illallah » c'est l'affirmation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le jugement. Le moins instruit des adeptes de la sunna, il sait que la ilaha illallah, ça vise le fait d'affirmer l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration. L'adoration étant un terme général qui englobe tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime et agrée parmi les paroles et actes apparents ou cachés. Et rentre dans cela le fait d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans le jugement. Mais eux, comme c'est là l'habitude des partisans de l'innovation, comme le disait l'imam Shatibi rahimahullah, ils insistent sur un aspect de la religion afin de taper sur le restant des aspects de la religion. Et ils insistent donc sur cela. Et c'est ce que tu retrouves parmi les groupuscules contemporains. Et retiens ça de cette assise, aujourd'hui. Sache que tout ce qu'il peut y avoir à côté, comme soi-disant importance qu'ils accorderaient au fait d'appeler à l'unicité d'Allah, à l'affirmation de l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans l'adoration, et l'importance qu'ils accorderaient au combat du polythéisme sous toutes ses formes, sache que ce n'est que de la poudre aux yeux. Ce n'est que de la poudre aux yeux. J'ai lu dernièrement un magazine qui se veut être un magazine qui a été écrit par certains égarés francophones qui feraient partie du groupe de Daesh. Et le premier numéro de ce magazine, dedans, ils mettent en gros titre, premier chapitre, premier article, que la victoire ne peut passer que par le tawhid. Tu lis l'article, tu te rends compte qu'il commence par citer de manière globale et générale et superficielle certaines vertus du tawhid, l'affirmation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis, quasiment sans transition, il en arrive à quoi ? Il en arrive au sujet de al-hakimiyya, du jugement. Sans transition. En visant par là des gens qui, effectivement, ne sont pas musulmans ou sont sortis de l'islam, mais en prenant bien la précaution d'inclure dans cela le fait de taxer de mécréants l'ensemble des gouverneurs musulmans. L'ensemble des gouverneurs musulmans. En terminant l'article, en annonçant que selon eux, la bannière noire du tawhid flottera bientôt sur la Mecque, Médine et Bagdad. Ce qui signifie quoi ? Que le tawhid selon eux n'y est pas présent actuellement. Et donc tu te rends compte que, comme je vous l'ai dit, ils utilisent ce principe de tawhid non pas pour y appeler réellement, mais pour arriver plutôt à leur fin, à savoir le fait de taxer de mécréants des musulmans sans droit, notamment les gouverneurs, afin de chercher à arriver au pouvoir. Celui qui est vigilant, il se rendra compte qu'ils sont dans de nombreuses contradictions avec les textes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit dans ce qui a été rapporté de manière authentique de lui, alayhi salatu wassalam, il n'y a pas d'émigration après la conquête, c'est-à-dire la conquête de la Mecque. L'érudit Ibn Hajar, entre autres, a expliqué que ce hadith contient l'annonce que la Mecque ne sera plus une terre de mécréance après sa conquête. C'est une annonce du prophète, alayhi salatu wassalam. Et eux, ils considèrent que la Mecque est actuellement une terre de mécréance et ils annoncent que bientôt leur bannière flottera sur la Mecque et sur Médine et sur Bagdad. Et également tout ce que tu peux entendre comme soi-disant combat des idoles ou des statues, sache que ce n'est que de la poudre aux yeux pour faire taire les adeptes de la Sunna qui dénoncent le fait qu'ils n'appellent pas au tawhid comme il se doit et que leur conception du tawhid est une conception erronée. Et c'est ainsi que, en apparence, ils font certaines choses qui iraient dans le sens d'une certaine importance qu'ils accorderaient au tawhid. L'affirmation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le droit exclusif d'être adoré conformément au principe de la sunna. Mais en vérité, ce n'est que de la poudre, ce n'est que de la poudre aux yeux. Car ils sont ceux qui disent que le véritable polythéisme, ce n'est pas le polythéisme lié à l'adoration des idoles, mais que c'est plutôt le polythéisme qui se trouve dans les palais. Visant à nouveau par là le sujet du jugement, et visant par là le fait de taxer de mécréants les gouverneurs musulmans. Et sachez qu'ils ne se limitent pas en vérité aux gouverneurs musulmans, car parmi eux, leur leader et mentor à notre époque, c'est Qutb, qu'Allah lui accorde ce qu'il mérite. Il statuait de la mécréance de l'ensemble des sociétés musulmanes, en disant que il n'y a actuellement dans le monde aucune société musulmane. C'est une réalité que certains ne connaissent peut-être pas. Certaines personnes qui en viennent à admirer Sayyid Qutb, peut-être qu'ils ne savent pas que selon Sayyid Qutb, ils sont eux-mêmes des mécréants, selon eux, selon Sayyid Qutb bien sûr. Ce qui te montre donc la gravité, la dangerosité, le vice de cette idéologie répugnante, ignominieuse et bien sûr étrangère à l'islam et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. Par faveur d'Allah, un nombre non négligeable de ces 6000 combattants s'est repenti et a délaissé cette voie par le biais de Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Mais un grand nombre également continua. Et nous avons vu dans la définition de la bid'a, de l'innovation, que c'est une voie par laquelle celui qui l'emprunte, il cherche à se rapprocher d'Allah. Et c'est pour cela qu'il a été rapporté des pieux prédécesseurs de cette communauté qu'il disait que le partisan de l'innovation n'ont pas accès au repentir. Pourquoi ils n'ont pas accès au repentir? Ils n'ont pas accès au repentir car à la base, ils pensent faire du bien. Ils pensent faire du bien. À partir du moment que la personne elle pense faire du bien, elle se dit pourquoi je vais me repentir alors que je suis en train de me rapprocher d'Allah. D'ailleurs, parmi ces khawarij, il y en a un certain nombre qui furent confrontés à Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré. Ce petit nombre qui s'était réuni dans une mosquée afin d'évoquer le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala d'une manière qui n'est pas légiférée par la religion. Ils s'étaient réunis et il y en avait un parmi eux qui menait l'assise et qui la dirigeait et qui donc les incitait à proclamer l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala tel nombre de fois, et il le faisait en comptant cela avec des petites pierres. À proclamer la pureté d'Allah, à glorifier Allah, à adresser les louanges à Allah tel nombre de fois, et il le comptait avec leurs petites pierres. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il est venu et il les a fermement blâmés. Et parmi ce que ces gens-là ont répondu, ils lui ont dit oh, Abu Abdurrahman, c'était sa kunya, Ibn Mas'ud. Ils lui ont dit, par Allah, nous ne cherchons par là qu'à faire le bien. Ibn Mas'ud, il leur a dit, et combien de gens veulent le bien, mais ne l'atteignent jamais. Le rapporteur de ce récit il a dit par Allah, j'ai vu ces gens-là par la suite nous combattre le jour de Nahrawan, c'est-à-dire avec les Khawarij. L'imam al-Barbahari, rahimahullah, il a tiré comme enseignement de ce fait relaté par le rapporteur de ce récit, il a dit, et c'est ainsi qu'est l'innovation. Elle commence par quelque chose de petit, et elle termine par être quelque chose de gravissime. Et elle termine par quelque chose de gravissime. À ce sujet, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, à la fin de la sourate Al-Kahf, la caverne, « قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا » Dit, allons-nous vous informer à propos de ceux qui sont les plus perdants en matière d'œuvre, ceux dont le cheminement s'est égaré dans ce bas monde, alors qu'ils pensaient être en train de bien agir. Un jour, un Khariji, c'est-à-dire un homme parmi les Khawarij, s'est présenté à Ali ibn Abi Talib et il lui a dit, sais-tu qui c'est qui est visé par cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala? Ali ibn Abi Talib lui a répondu, toi et tes semblables. Après donc avoir cité ce récit, le Cheikh Mohammed Aman a dit, l'imam al-Hakim a dit, donc c'est-à-dire dans Al-Mustadrak, son livre Al-Mustadrak, il a dit, ce hadith est conforme aux conditions de muslim, mais il ne l'a pas rapporté. Malgré cela, beaucoup de gens ont répondu à l'appel des Khawarij, et un groupe des imams de l'islam a également été accusé d'appartenir au groupe des Khawarij, et plus d'un des rapporteurs du hadith ont été comptés parmi eux. Les spécialistes de ce domaine le savent très bien. C'est malheureusement la conséquence d'une mauvaise compréhension, de la précipitation à prendre une décision et du manque de sagesse. Ici, donc, le Shir, il est en train de citer les causes du fait de tomber dans ce genre d'idéologie. Mauvaise compréhension, précipitation et manque de sagesse. Non. Caractéristiques qui avaient été mentionnées et annoncées par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit que ils lisent et récitent le Coran sans que ce dernier ne dépasse leur gorge, dans le sens où ils ne le comprennent pas. Et il avait également dit, sallallahu alayhi wa sallam, de ce qui a été rapporté authentiquement de lui, il va y avoir un temps où des gens vont se présenter, ce sont de jeunes gens stupides. Jeunes et stupides. Du fait que la jeunesse est synonyme de précipitation, ce que tu retrouves ici. Et de manque de sagesse, du fait du manque de maturité. Puis le Shir a continué en disant, les Khawarij croyaient être dans la vérité lorsqu'ils prirent les armes contre l'émir des croyants Ali ibn Abi Talib, et ils se sont complètement coupés des émigrés et des auxiliaires, ceux qui pourtant parlaient selon le Coran et dont le Coran parlait, ceux qui ont élevé le Coran et qui furent élevés par le Coran, ceux qui sont les meilleurs de cette communauté, jusqu'à ce que l'érudit de la communauté, l'exégète du Coran, c'est-à-dire Ibn Abbas, discute avec eux et leur démontre leurs erreurs par des preuves venant du Coran et de la Sunna. Un nombre non négligeable d'entre eux se sont ou s'est repenti par son biais. 2000 sur 6000 combattants qui se préparaient à se lancer dans la bataille. Mais Allah les a sauvés, car Allah les a guidés vers la repentance, et ils se sont repentis. Le reste d'entre eux a péri après qu'eurent été établies contre eux les preuves claires présentées par Ibn Abbas. Celui-ci les a conseillés sincèrement, leur a montré le droit chemin, et les a appelés à la vérité de la manière que nous avons expliquée plus haut. Et c'est ainsi que se termine donc la lecture de ce chapitre du livre La croyance islamique et son histoire du Cheikh Mohammed Aman al-Jami, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qu'il le récompense en bien, et qu'il préserve et récompense également le traducteur, notre frère Souleyman. جزاه الله خيرا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين